cet éclair obscur du lilas. Mon étrange carthaginoise, plus belle que la reine de Saba. Et si contrairement à tout ce que l'on croit, tous nos chemins ne menaient pas à Rome, à Rome. Moi je tomberai dans ses bras, moi je tomberai dans ses bras, dans ses bras, dans ses bras. Et tous les faubourgs de Carthage résonnent du son de ma voix. Je l'ai connu comme un orage dont la pluie ne viendrait pas. Toutes les capitales de l'Europe se rendraient bientôt sans combat devant sa beauté triomphante, si seulement elle était là. Et si contrairement à tout ce que l'on croit, tous nos chemins ne menaient pas à Rome, à Rome. Moi je tomberai dans ses bras, moi je tomberai dans ses bras, dans ses bras, dans ses bras. Et tous les faubourgs de Carthage résonnent du son de ma voix. Je l'ai connu comme un orage dont la pluie ne viendrait pas. Et si contrairement à tout ce que l'on croit, tous nos chemins ne menaient pas à Rome, à Rome. Moi je tomberai dans tes bras, moi je tomberai dans tes bras.